belle découverte, 18h-18h30. Salut à tous, vous êtes bien dans La Belle Découverte puisqu'il est 18h et on est ensemble pendant une demi-heure jusqu'à 18h30. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2 FM et on va parler d'un artiste indépendant qui est sur un label indépendant, pardon, et il s'agit aujourd'hui de Guts. Guts, c'est du hip-hop, mais du hip-hop comme on l'aime, et c'est Gauthier qui en parle encore le mieux. Bon, bah Guts, clairement, l'homme autant discret que sa musique est connue. J'ai fouillé un petit peu, gratté un petit peu, et bon bref, on explique qu'il est parti de la vie parisienne depuis ses succès avec Alliance Ethnique, Big Red, je sais pas si vous connaissez les mais gars. Mais oui, Big Red de Raga Sonic. Ouais, quand même ça. Un monstre du reggae français et du reggae et du hip-hop aussi. C'est clair. Et les Svinkels, pareil. Les Svinkels, Gérard Bass. D'ailleurs, je trouve que Gérard Bass te ressemble un petit peu, mon Toumi. Ouais, c'est parce que j'ai un peu grossi, ça. Oh là là là, ça clash direct. Bon, c'est pas grave, il nous en voudra pas, lui. Bon, bah bref, c'est sur son île d'Ibiza qu'il vit désormais, tranquille maintenant. Retiré du fracas citadin, il n'a pourtant jamais cessé d'être beatmaker producteur. Jamais garé du virus du digging. Le digging, je sais pas si vous voyez, c'est quoi. Ah si, attends, le digging, c'est pas quand tu prends les meilleurs sons d'avant et que tu fais. Après, tu les assembles, ça fait une méga ratatouille super bonne. C'est carrément ça, tu grattes un petit peu, t'as tellement gratté pour rechercher en dessous que t'as limite. Ça fait de la sauce, poussière. Bonne sauce. Oui, ça fait la bonne sauce. Faites de la sauce poussière sous les ongles, tu vois. De la sauce poussière. Non, mais oui, très simplement, digging, ça vient de creuser. Donc, du coup, c'est creusé pour trouver les meilleurs sons dans les vieux scuds d'antan, les vinyles où on avait des bons petits samples à repiocher pour faire du hip-hop. Voilà d'où vient le digging. Donc, voilà, donc lui, il a fait plusieurs albums solo, Le Bienheureux, Freedom, Paradise for All. Décidé à ce que rappeur, jazzman, soulman viennent briller sur ses productions. Bref, Guts a traversé l'Atlantique, la MPC sous le bras, multipliant les collaborations entre New York et Los Angeles pour un album maintenant disponible. Le mec, ça va, il va au soleil quand même, hein. Los Angeles, New York. La MPC, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'espèce de pad, hein, un outil numérique bien physique d'ailleurs, qui permet d'envoyer des sons qu'on a travaillés au préalable, hein. C'est bien ça? C'est exactement en ça. En fait, t'appuies sur 1, 2, 3 ou 4 et puis tu fais de la musique. Quoi. C'est bon, ça. Non, mais c'est comme des pistons de trompette. Facile. David Guetta, ça va opérer maintenant. Ah oui. Oui, mais largement. Bref, le mec là, ça fait 24 ans qu'il bosse là-dedans. Ah bah plus vieux que David Guetta alors. Voilà, il est vraiment, vraiment balèze. Et bon, là il revient au hip-hop de la plus belle des manières possibles pour moi avec son album Hip Hop After All sur le label parisien Heavenly Sweetness. Bref, fini la solitude des trois précédents albums instrumentaux. Guts est parti en studio enregistré avec des légendes du hip-hop, comme j'ai dit, à Los Angeles, à New York et tout le bordel. Et là, des albums comme Masta Ace, Grand Peba, des chanteurs comme Condi Chestnut, Patrice. Et puis le trompettiste Liron Thomas, ouais, je crois. Carrément. Qu'on entendra tout à l'heure sur Man Funk, l'une des chansons du nouvel album qui déchire. Ouais. Et franchement, le résultat de toute cette collaboration là, ça en vaut vraiment le détour. C'est 16 plages de pur son old school qui fleurent les productions hip-hop de haut vol des années 80 et 90. Parce que, comme on le rappelle bien, c'est le digging, il faut chercher dans les vieux beats. Bon, ouais, c'est toujours des beats dans tous les cas implacables, des samples inouïs, un groove permanent, des flots entêtants, une alchimie parfaite quoi. Et bah, bref, Guts est un adepte du son parfait et ce hip-hop after all s'écoute fort. Très fort et en boucle. Et c'est la révélation, la relève plutôt, je dirais, de la French Touch qu'on a pu avoir avec. C'est peut-être lui coller une étiquette indirecte, hein, parce que prendre la suite de Phoenix et de Daft Punk, c'est pas évident. Mais quand même, en France, on a des bons DJ. Et juste avant de parler de ce nouvel album, on a Paradise After All, son précédent opus, sur lequel figure la chanson Brand New Revolution. Et on va s'écouter ça tout de suite parce que c'est de la méga bombe de balle. Oh, belle découverte, 18h-18h30. Et nous sommes de retour dans La Belle Découverte, juste après avoir écouté cette chanson du précédent opus de Guts, qui s'appelait Brand New Revolution. C'est assez space, hein, c'est un peu un ovni dans son genre quand même, Guts. Mais c'est ça qui est bien chez ce mec. Moi, la première fois que j'ai découvert, je me suis dit, c'est vrai que c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on n'a jamais trop entendu ça avant. C'est posé, calme comme ça, puis assez puissant, toujours puissant, tu vois, c'est pas endormant, c'est ça voilà, qui est intéressant. C'est énergique sans en faire des tonnes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement, c'est juste ce que je voulais dire aussi. Ouais, ce côté digging, il ressort vraiment. C'est, voilà, on sent que là, il y a plusieurs CD, c'est pas forcément les mêmes. Si on analyse en profondeur, on se dit, bah voilà, il y a plein d'influences qui se mêlent des disques différents, il y a le côté un peu old school qui revient. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment refaire du neuf avec du vieux, quoi. C'est ça, mais ouais. C'est revaloriser les sons d'antan. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, je me suis documenté, et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils doivent donner un artiste similaire, ils pensent tout de suite à Beta Scient. Bon, je suis pas forcément sûr sur tout, après chacun son opinion. Moi, je suis pas vraiment d'accord non plus. Hein. Ouais, mais bon, après, bon voilà, les gens en pensent ça, et c'est correct aussi. Par contre, ils citent aussi Chapelier Fou, le nancéen, et ça c'est assez... Le médecin, tu veux dire. Pour moi, il est nancéen, c'est mon côté chauvin qui fait ça. Le Lorrain, comme ça, tout le monde sera d'accord. Et du coup, je trouve ça plutôt cool. On en cite aussi, tiens, j'aurais pu faire un jeu de mots sur cite aussi, puisque c'est de l'électro aussi. Par contre, avec Chinese Man et Toomy, je sais pas si vous voyez quel est le rappeur Toomy de Chinese Man. Ouais. Et je pense qu'une voix comme celle de Toomy se poserait franchement très bien sur du Guts. Je pense que c'est un mec qui est bien adapté pour ce genre de son. Bah, Chinese Man, c'est un peu le même esprit, c'est aussi reprendre des sons existants pour en faire. C'est tout du à fait ça, ouais, c'est ça. Ouais, puis, pourquoi pas. Ils adorent jouer aussi un petit peu avec les chœurs, comme la musique là que t'as présenté. C'est carrément des chœurs vraiment sympas, mais pour moi ça fait beaucoup plus des chœurs un petit peu des chœurs de blues, quoi, plus que Chinese Man. Chinese Man, ça fait beaucoup plus oriental. La chanson qu'on a entendue est quand même assez différente de ce qu'on entendra après. D'ailleurs, on va écouter juste après une chanson qui s'appelle Man Funk. Bon, pour voir que le gaillard, il touche un petit peu à tous les styles, hein, puisque la chanson d'avant était un petit peu énergique, mais portée par un gimmick. Ce que j'appelle un gimmick, c'est simplement la mélodie d'un seul instrument qui est mis en valeur. Sur Man Funk, là, on a la collaboration de Leron Thomas, qui est trompettiste, mais qui va surtout jouer de la voix sur ce morceau là et avant d'en parler, je vous propose qu'on l'écoute juste tout de suite. C'est Guts avec Man Funk. Smelling like similar, can't tell by your friendly chat, you up for the Milky Way. belle découverte, 18h-18h30. Eh mais en fait les gars, je crois que Tom Jones n'est pas mort. C'était mais... lui là, c'était pas lui là qui chantait. C'était pas Tom Jones, mais effectivement Leron Thomas ressemble beaucoup au niveau vocal à du Tom Jones ou même à du Sir Barry White. Eh Barry, ouais. Non mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de musique qui passe bien en fond de soirée, tu vois, avec un petit verre de blanc et quand tu passes la soirée avec ta copine. Je trouve que c'est ça détend. C'est afrodisiaque. C'est afro-américain ou afrodisiaque? Je pense que c'est un peu des deux. Voilà, ouais. C'est pour ça que Guts est fort, il touche ça à tout. Ça s'écoute avec un plat avec du gingembre. Un plat avec du gingembre. Yeah. On voit tout de suite quelle soirée tu passes. C'est ça qui est bon. Alors Guts avec Manfunk, on vient de l'écouter. On va s'écouter le deuxième single en gros hein, de son album, c'est Open Wide. Retour dans la belle découverte et juste après avoir écouté Open Wide de Guts, c'est vrai qu'on se dit que c'est un petit peu du trip-hop aussi, c'est pas exactement du hip-hop, c'est tellement plus cool, plus posé. Ah bah là, avec ces digues direct, tu penses à du Morshiba, à du Portiched, à du... Du Massive Attack, mais avec une voix limite, en féminin, ouais. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, voilà, est-ce qu'on pourrait expliquer très rapidement la différence finalement entre le trip-hop et le hip-hop? Comment on pourrait expliquer ça? On va dire simplement que... Le hip-hop, c'est assez, ça bouge grâce aux basses et aux beats. Et le trip-hop, c'est plutôt mélodieux. Je sais pas si c'est justifié de dire ça. Bah, je dirais que le hip-hop, c'est aussi un mouvement plus large, en fait. Il n'y a pas que la musique à la base, il y a aussi d'autres choses. C'est vrai qu'il y a une culture à côté. Culture urbaine, trip-hop, on est peut-être toujours dans la culture urbaine, mais plus dans la recherche de sonorité. C'est peut-être ça qui... Ouais, peut-être trip-hop bien. Trip-hop est quand même aussi vachement dans la culture urbaine, c'est ça le souci à se poser. Et puis, genre, quand tu vois Massive Attack, il y a Tricky dedans, qui est quand même un monstre. Qui est quand même un monstre et qui fait quand même... Bah, c'est pas du rap. C'est du trip-hop, mais le flow a une importance considérable. Ouais. Alors c'est vrai qu'on en discutait, la chanson Open Wide de Guts qu'on vient d'écouter nous fait aussi penser un petit peu à du Wax Taylor. Alors quelle serait la grosse différence? C'est vrai qu'un mec comme Wax Taylor, faut pas oublier qu'il y a énormément de featuring et que c'est quand même ça qui donne beaucoup de couleurs à l'album. C'est ce qu'est en train de faire Guts en fait. Il est peut-être en train de prendre la relève de Wax Taylor en s'entourant de très très bons artistes. Là comme on l'a entendu, c'est une artiste qui vient des États-Unis. Donc voilà, je pense qu'elle est quand même suffisamment recherchée pour ses talents. Et la chance qu'a Guts de l'avoir à ses côtés, c'est de sublimer sa chanson, comme par exemple ASM l'a fait pour Wax Taylor ou bien d'autres. Alors pour se faire à l'idée, on va s'écouter une dernière chanson de Guts justement. Et après je vous ferai, promis, découvrir le Guts lorrain qui s'appelle Chapelier Fou. Let me tell you my story. Bring me uptown, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Leaving good sounds, hear the good sounds. Making so my pride never leave the ground. I'll be on my way, I'll be on my way. Got my hero on, trying to save the day. Leaving for the king, living for the king. Hope to see the day that the kingdom reigns. I know you can see the light that shines through these rays. I'm spreading my peace. I hope you take this from me. Won't you come alive and hear the wonders of music all around? You feel it in your blood. Know that no one dies, so live it like you know. He will take all my people up. I am what he made, I am what I am. Knowing that the wise them will understand. We can go a long way. Everybody home, come along, say. We are what we are, we are what he made. Moving so we get to a brighter day. I know you can see the light that shines through these rays. I'm spreading my peace. I hope you take this from me. Don't you come alive and hear the wonders. Et nous sommes de retour justement pour cette dernière partie de La Belle Découverte. On vient d'écouter Guts avec la chanson Come Alive, qui était un featuring avec la chanteuse Lauryn Chia, qui est américaine, qui a un grain de voix à vous faire couper les tympans, tellement c'est bon. D'ailleurs, les coupez pas, réécoutez du Guts. Tout ça pour vous dire que on a parlé tout à l'heure de Chapelier Fou, qui était un artiste qui serait, allez, soyons chauvins, un petit peu l'équivalent du Guts français, mais pour le Chapelier Fou lorrain. Et une petite info à ce sujet-là, pour ceux qui s'intéressent à la musique, le groupe Ezekiel, un groupe très connu, on parlait de trip-hop, ça s'y rapproche un petit peu, vient de signer sur un label nancéen qui s'appelle Ici D'ailleurs, et qui est le même label que Chapelier Fou, que l'on va écouter à l'instant avec la chanson « Darling, Darling, Darling ». Et voilà, c'est maintenant la fin de cette émission, puisqu'on approche des 18h30, on a parlé pendant une demi-heure de Guts. Je vous invite à aller sur internet découvrir son album qui vient de sortir, qui s'appelle du coup Hip Hop After All, une vraie tuerie, en plus il y a 16 pistes, donc n'hésitez pas. En attendant, moi je vous laisse avec Aurélie pour son émission Sous Toutes les Cultures, et je vous retrouve à 19h30 pour le menu étudiant. Merci beaucoup d'avoir écouté La Belle Découverte. Ciao.